1, tu veux nous prendre de haut, tu n'es pas taille. Petit écart ou qui plus, il faut que tu fasses gaffe. BX et Fast Life, yo tout le monde veut rapper. Gros tout le monde veut snapper, on préfère sa star. Katane, Katane. Mon équipage va te montrer comment ça se passe. Katane, Katane. Je veux m'entourer de gens cœur pur comme une sage-femme. Tu ferais mieux de faire de même, arrête de faire le game. Si t'es pas positif, reste loin de nous. Roja, je fais ce que j'aime, en vrai j'emmerde le game. Les politiques, les bains de foule, c'est pas mon délire, je reste dans mon coin. Je m'éclipse et découpe le sample. Retiens-moi si je dérive, j'attends qu'on pince. Les heures sont comptées, mais mes jours se ressemblent. Taisez-vous, je veux plus entendre votre avis. Pour vous, ma vie ne vaut rien, pour ma reine vaut la vie. Là, tu me suis du regard comme la Mona Lisa. Faut que je me ressaisisse, car je commade vite. Non, je fais pas semblant, moi je suis un gars stressé. La drogue me tue lentement, je m'en fous, je suis pas pressé. Putain, c'est con, la boisson est pété des gueules. Quand j'étais jeune, j'étais très con, mais je suis resté très jeune. Les politiques, ils foutent la merde, à quoi tu t'attendais? Les terroristes et puis les guerres, non, tu dors pas en paix. Je cherche la fin, le bien et un monde sans rascar. Au final, j'y comprends rien, c'est pour ça que j'en parle mal. Non, faut plus penser. C'est les soldes, fermez vos gueules, des dépensés. Dans ma vie, faut que je fasse le plein de vitesse. Car aujourd'hui, c'est le demain d'hier. Intense, sky et délinquance. Du peur à de la 8-20 du printemps, tout fané. Élabore un plan, y'a un temps pour agir, y'a un temps pour parler. J'aime quand les miens dansent. Qu'importe ce que ces chiens pensent. C'est comment, c'est bien, non, c'est le moment, c'est l'instant, c'est maintenant ou jamais. Allez parler, je m'en bats les couilles de ta ivre. On est fâché sa mère, on causera des tarifs. Sale tête aspect, vas-y joue pas les câlins. Je te montre les fers en l'air et ça en 2-4-6. C'est pas de ma faute à moi, j'ai pas des morts sur la conscience. C'est pas de ma faute à moi si tu bases tout sur la confiance. On était trois au début, on était perdants. Et quand ça marchait pas pour nous, on le faisait fièrement. On ouvrait pas nos gueules pour rien, on était pas des muches. Si tu crois qu'en toi-même mon frère, tu seras jamais déçu. On parlera pas tous les coups de pute qu'on a pu nous faire. Je suis pas mort, je me relève et tu sais que je suis tout frère. C'est maintenant ou jamais, je sens le truc, ouais. C'est intense, c'est de l'amnèse quand je fume, ouais. C'est la hesse dans le check sans thune, ouais. Mais c'est la fête quand même dans le studio, ouais. Intense, sky et délinquance, du peur à de la 8-20 du printemps, tout fané. Élabore un plan, y'a un temps pour agir, y'a un temps pour parler. J'aime quand les miens dansent, qu'importe ce que ces chiens pensent. C'est comment, c'est bien, non, c'est le moment, c'est l'instant, c'est maintenant ou jamais. Il paraît qu'on peut tout avoir, en demandant poliment, les gens sont vides et avares. Pour le monopoliment, je fais du peur à depuis 10 ans, je veux que les critiques et les compliments. Je les nique parce que ma zik, ma femme pas vanée sur d'autres continents. Cause, tu connais rien sur nos parcours et nos victoires. Il a fallu doser. Non, on n'a pas fait que du bien, on a avancé dans la nuit noire. On s'est bien explosé. Y'a des gens que j'aimais fort, qui m'ont vraiment déçu. Je vais pas m'attarder dessus, moi aussi j'aimais tort. On avance, on s'en sort, la main sur le cœur. Je peux chialer sur mon sort, je pleure encore sur le leur. Le train de vie que je mène est malsain. Le pire, c'est qu'il y a ni remède ni vaccin. Pourtant, j'ai l'intention de laisser ma trace. Il m'a fallu faire des choix, j'ai l'impression de payer sa cash. Ils vont payer, peu importe le montant. On aurait dû tout niquer, y'a longtemps. Oubliez-moi, je suis pas comme vous et quand je vois comment vous êtes, je suis content. Tu voulais de la vulgarité, ben voilà connard. Qui m'aime si vous, j'y vais solo comme Maradona. Qui est pas sa gros sac, DCI trop sale. Boum dans la prod et dans la bouche j'ai un crotal. Je vais le faire pour moi avant de partir. Cette fois la dette est effacée. Ça y est les gars, je peux m'enfuir. Comme si rien ne s'était passé. Je vais le faire pour moi avant de partir. Cette fois la dette est effacée. Ça y est les gars, je peux m'enfuir. Comme si rien ne s'était passé. Intense, sky et délinquance. Du peur à de la 8-20 du printemps, tout fané. Élabore un plan, y'a un temps pour agir, y'a un temps pour parler. J'aime quand les miens dansent. Qu'importe ce que ces chiens pensent. C'est comment, c'est bien, non, c'est le moment, c'est l'instant, c'est maintenant ou jamais.